On dirait le titre d'un mauvais film de série B, Opération Crevette. Mauvais film et mauvais scénario. Car cette opération Crevette, pourtant financée à coups de centaines de milliers de dollars et soutenue en secret par plusieurs pays, dont le nôtre, s'est terminée en fiasco. Un fiasco total. Une vraie gifle pour le chef militaire de cette opération, le célèbre, trop célèbre, mercenaire Bob Denard. C'était en 1977 au Bénin, ex-Dahomey. L'opération Crevette avait pour objectif de provoquer un coup d'État et d'éliminer physiquement le président du pays, Mathieu Kérékou. Mais les mercenaires ont dû faire face à une résistance inattendue et au bout de quelques heures de combat, ils ont été obligés de battre piteusement en retraite. Toutefois, et c'est l'avis de M. X, les dés étaient sans doute pipés dès le départ, nous y revenons dans un instant. Bob Denard, ce chien de guerre, comme l'a surnommé Pierre Péan, ne tardera pas à prendre sa revanche. Un an plus tard, en 1978, il interviendra aux Comores, renversera le président et rétablira l'ancien chef d'État, Ahmed Abdallah, qu'il avait lui-même chassé du pouvoir 3 ans plus tôt. Pendant 10 ans, le mercenaire et ses hommes régneront sans partage sur cet archipel jusqu'au jour où Abdallah sera abattu dans de mystérieuses circonstances en présence de Bob Denard. Ajoutons, avant d'écouter M. X, que Bob Denard, en 1993, répondra devant la justice française de son intervention meurtrière au Bénin. Mais des hommes ayant appartenu au monde du renseignement viendront témoigner en sa faveur et affirmer que le mercenaire avait agi en tant que sous-traitant de nos services secrets. Résultat, Denard ne sera condamné qu'à une peine avec sursis. Les mêmes hommes, auxquels se joindra le sulfureux général Ossarès, reviendront en 1999 soutenir le mercenaire lorsqu'il sera accusé d'avoir assassiné le président Abdallah. Et à nouveau, leurs témoignages pèseront d'un grand poids puisque Denard sera finalement acquitté. Alors, M. X se propose d'éclaircir la réalité des liens qui existait entre le mercenaire et nos services. Et d'abord, à propos de la désastreuse opération Crevette. Des généraux aux commandes, des populations opprimées, les aides aux pays détournés, des populations affamées, les fonds du pays dilapidés, les droits de l'homme ignorés. On en a marre, l'Afrique en a marre. On en a marre, le peuple en a marre. L'esclavage, ils ont créé la colonisation. Lorsqu'on a trouvé la solution, ils ont créé la coopération. Comment dénoncer cette situation? Ils ont créé la mondialisation. Et sans expliquer la mondialisation, c'est Babylone qui nous exploite. On en a marre, l'Afrique en a marre. Chez nos bradas, ils ne nous respectent pas. C'est la même chose pour leur loi. Ils ne regardent même pas quand le peuple réclame ses droits. Ils ne partagent surtout pas l'argent, c'est pas qu'il y en a pas. Ils ne font rien pour nos sisters qui se vendent pour vivre dans ce monde-là. We'll be right back. généraux aux commandes. On n'en veut plus de enfants militaires. On veut plus des orphelins de guerre. On n'en veut plus. On en a marre. L'Afrique en a marre. On en a marre. Le peuple en a marre. L'Afrique en a marre. C'est machination. Mon peuple en a marre. C'est manipulation. L'Afrique en a marre. C'est exploitation. Mon peuple en a marre. Toute cette oppression. L'Afrique en a marre. France Inter. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Monsieur Pénaud, vous savez bien que les services secrets ont toujours eu besoin de types comme Denard, enfin des types qui n'engagent pas vraiment le pays. Et puis, quand ils travaillent pour ces pays, ils n'appartiennent pas officiellement à ces services. C'est-à-dire qu'on peut leur confier l'exécution de coups tordus, c'est oui, ça ? Oui, c'est ça. Enfin, c'est coups fumeux que les États ne peuvent pas assumer. Et puis, s'ils se font prendre, on dégage sa responsabilité, et puis on les laisse tomber. C'est pratique, non ? Pas très moral, en tout cas. Oh, la morale n'a rien à voir à l'affaire, vous l'imaginez bien. Ils ont donc été nombreux, ces types qui ont travaillé pour les services en franc-tireur. Des gens pas très recommandables, mais qui étaient prêts à tout. Contre-monnaie sonnante et trébuchante, naturellement. Ça coûte cher, un mercenaire, mais les fonds secrets sont faits pour ça. Il y a une phrase de l'avocat de Bob Denard qui m'avait frappé à l'époque. Il avait dit que son client était une prothèse étatique. C'était bien vu. J'ajoute que ces hommes qui mènent une vie dangereuse se payent aussi sur le pays où ils interviennent. Lorsqu'ils réussissent, bien entendu. Ouais. Alors, attendez, parlons plus précisément de Bob Denard. Est-ce un mercenaire comme un autre ? Pas tout à fait, non. Et d'abord parce que Denard a un sens exacerbé de la publicité. Il s'est toujours débrouillé pour promouvoir son propre personnage et donc faire en sorte de se rendre indispensable. Une stratégie marketing. Ça y ressemble, oui. Denard a son site internet. Il a écrit un livre à sa gloire et des auteurs ont publié sur lui des ouvrages plutôt flatteurs. On est maintenant loin de l'image des affreux tels qu'on les appelait au début des années 60, lors de la guerre civile au Congo-Léopoldville. Ouais, c'est-à-dire qu'il a donc mis en scène sa vie. Oui, je vous rappelle le titre de son livre, Le corsaire de la République. Ça dit bien ce que ça veut dire. D'accord. Bah, alors, moi que vous y êtes là, un bref rappel de son parcours. Volontiers. Denard est le fils d'un militaire de la coloniale qui, assez curieusement, était plutôt communiste. C'est pas ordinaire, en effet. Enfin, d'autant que le fils, lui, va se situer, franchement, de l'autre côté de l'échiquier. Hein. À droite toute, oui. Denard, tout au long de sa vie, a présenté son action comme un combat contre le communisme. Il a été très proche d'un homme tel que Le Pen, par exemple. Tiens. Quant aux mercenaires qu'il a recrutés pour perpétrer ses coups tordus, comme vous le disiez vous-même, bah, ils se sont toujours situés clairement à l'extrême droite. Ouais. Et sa carrière, alors, quand comment c'est vraiment ? Denard a tout juste 16 ans lorsqu'il s'engage dans la marine. Direction l'Indochine. La guerre d'Indochine. Oui, mais enfin, il se fait rapidement virer. Un soir de beuverie, il démolit un bar. Ah, un joli début. On le retrouve ensuite au Maroc, dans la police. Il est engagé dans la lutte contre les indépendantistes. Et accessoirement, il participe à une tentative d'assassinat contre Pierre Mendès France, accusé de brader l'Empire. De mieux en mieux, là. Ça lui vaut d'être expulsé de la police. Bon, si je compte bien, deuxième licenciement. Oui, mais Denard retombe vite sur ses pieds. Ce sont les gaullistes qui le récupèrent. Et il va être associé à la préparation du coup du 13 mai 58. C'est important. Parce qu'à cette occasion, il va être mis en contact avec ce que l'on appelle les réseaux focards. Les réseaux africains, quoi. Très largement inspirés par nos services secrets. Ouais, le SDEC. Oui. Focard, même avant 1958, avait des rapports privilégiés avec le SDEC, et surtout avec son service action, qu'il fréquentait régulièrement puisqu'il venait même s'entraîner avec les militaires qui en faisaient partie. Ça, c'est le 11e choc. Oui, c'est ça. Ces réseaux Focard vont progressivement se mettre en place après le retour au pouvoir du général de Gaulle. En fait, mais nous en avons souvent parlé ensemble, il s'agit de perpétrer l'influence de la France en Afrique malgré la décolonisation. Une influence à la fois politique et économique, et vous le savez bien. À plusieurs reprises, ces réseaux n'hésiteront pas à intervenir par l'intrigue ou la force dans les pays qui voudront s'affranchir de cette tutelle. Et Denard va se couler presque naturellement dans ce système. Bien sûr, la plupart du temps, les pays africains rebelles se détachant de la France choisissent de se doter de régimes marxistes ou pseudo-marxistes. L'anticommuniste farouche Bob Denard est donc parfaitement à l'aise lorsqu'il s'agit d'abattre ses gouvernements. Mais Denard a-t-il des liens organique avec le SDEC ? Non, c'est une sorte de collaborateur intermittent. Il va être engagé au coup par coup. Mmh, ben, Où commence-t-il à agir, là ? Dans l'ex-Congo belge, au début des années 60. Mais pourtant, c'était un pays qui ne faisait pas partie de l'Empire français. Mais qui était francophone, et sur lequel nos services avaient l'œil. D'abord parce que c'est un des plus grands pays d'Afrique, et ensuite parce qu'il est prodigieusement riche en ressources naturelles. Par conséquent, le destin du Congo ne pouvait pas laisser la France indifférente, d'autant que les Belges avaient abandonné la partie là-bas. Et donc il était tentant de prendre leur place. Naturellement. Et notre pays a joué un rôle éminent dans la sécession katangaise. Le Katanga, il faut le rappeler, qui est la province la plus riche du Congo. Oui, nous avons donc soutenu Moïse Tshombe, le sécessionniste, opposé au progressiste Lumumba. Mais quand vous dites que nous avons soutenu... Nous avons appuyé la création d'un véritable corps de mercenaires. Il s'agit des fameux affreux. Oui, c'est-à-dire d'anciens militaires belges, français ou autres européens. Et des Africains blancs, sud-africains ou rhodésiens, et pas mal de soldats perdus, comme on disait alors. Oui, des soldats en rupture de banc. Oui, des activistes qui avaient choisi le mauvais camp en Algérie. Et disons-le franchement, ça arrangeait bien le gouvernement français de les savoir combattre au Congo plutôt que de participer à quelques manœuvres factieuses en Algérie ou en métropole. Et Denard est parmi eux. Bien entendu. Ouais. C'est au Congo qu'il va en quelque sorte trouver sa voie et devenir un mercenaire professionnel. Toutefois, son parcours va être assez sinueux. C'est-à-dire ? Il combat donc aux côtés des Katangais de Tshombe et il affronte le corps expéditionnaire de l'ONU. Un casque bleu. Ouais, puis il laissera tomber Tshombe pour rejoindre Mobutu, le nouvel homme fort du Congo. Mais comme celui-ci est décidément trop pro-américain, il revient vers Tshombe. Et attendez, dans cet aller et retour, là, il faut voir la main des services français. Oh, c'est évident. Nos services sont très présents au Congo tout au long de cette interminable guerre civile. Et Denard n'est jamais très loin de nos agents. J'ajoute que le mercenaire a fait une parenthèse dans ses aventures congolaises. En 1963, je crois, il est allé combattre avec les royalistes du Yémen contre les républicains soutenus par Nasser. Et désormais, on va le retrouver un peu partout en Afrique, à chaque fois qu'un mauvais coup se prépare. Vous n'avez pas l'air de beaucoup l'aimer. Hein. Comment pouvez-vous croire une chose pareille ? Non, c'est vrai, je n'ai pas une grande estime pour ce genre d'hommes qui font la guerre pour de l'argent et qui tuent pour de l'argent. Toutefois, je reconnais une qualité, un courage physique indéniable. C'est d'ailleurs ce qui lui a permis de regrouper autour de lui toute une équipe de durs qu'il traînera longtemps à ses côtés. Un chef, quoi. Un chef, oui, malgré ses échecs et ses rodomontades. Le théâtre de ses exploits, enfin je mets le mot entre parenthèses, hein, c'est donc essentiellement l'Afrique. Oui, oui, c'est le terrain idéal pour ces mercenaires. Ils peuvent y affirmer facilement leur supériorité face à des militaires africains mal armés et mal entraînés, face à des régimes trop souvent corrompus et instables. Oui, la supériorité de l'homme blanc, ça. Bah, malheureusement, oui. Mais c'est un combat sans gloire pour cette soldatesque de sac et de cordes. Et pourtant, malgré ça, les mercenaires de Denard ont connu de sévères déroutes, en Angola d'abord, puis bien sûr au Bénin lors de cette désastreuse opération Crevette. Crevette, vous imaginez. C'est vrai que ce nom de code fait un peu ridicule. N'est-ce pas ? Mais je ne veux pas défendre Bob Denard. Il me semble que dans ce dernier cas, il a peut-être été entraîné dans un piège. Et ce ne sera pas le dernier qu'on lui tendra. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Qui est vraiment Bob Denard ? En novembre 1995, l'hebdo Afrique Magazine lui consacre un portrait. J'en extrais ces quelques lignes où sont retracés ses débuts de mercenaire au Katanga. À Paris, Jacques Focard et Pierre Dabezy s'intéressent à cette frondeuse province qui renferme dans son sous-sol environ 73% du cobalt destiné à l'Occident, 60% de l'uranium, du cuivre et bien sûr des diamants. Pour Denard, c'est une occasion en or. À 30 ans, il choisit l'un des plus vieux métiers du monde, mercenaire. À la tête de 25 Européens et de 150 Katangais, il harcèle les troupes du gouvernement de Léopoldville, sabote les installations de l'Union minière et guerroie contre les casques bleus des Nations Unies. Ainsi naît la légende des affreux, ces hommes au visage barbouillé, montant au front en poussant des cris terrifiants. J'ai combattu entièrement nu avec une cartouchière pour seul vêtement, raconte aujourd'hui le mercenaire sans avoir peur du ridicule. Au service de Tshombe puis de Mobutu, il se fait un nom, sculpte sa renommée et découvre l'Afrique. Sa vie secrète, brouillonne, tout droit sortie d'un mauvais roman, son expérience de la violence, sa volonté d'engagement physique, jusqu'à ses aventures sentimentales, version nostalgie du colon blanc, resteront à jamais marquées par la grandeur lyrique du continent. « Je suis un Africain blanc, nous disait-il, et j'ai du sang noir dans les veines. Lors de mes blessures, des camarades noirs m'ont sauvé la vie, et puis beaucoup d'Africaines m'ont donné des enfants. C'est un lien sacré. » C'est en 1972 qu'un homme joufflu, vêtu d'un battle dress, s'empare du pouvoir à Cotonou, capitale économique et administrative du Bénin. Un coup d'État. Oui, et c'est tristement banal en Afrique. C'est ça, c'est sûr. Oui. Mathieu Kérékou commence par mettre en prison les présidents qui l'ont précédé, puis doit faire face à un premier complot, mais il y en aura beaucoup d'autres. Et aussi quelques arrestations sommaires et des exécutions, bien sûr. Un capitaine, par exemple, sera abattu sous le prétexte falafieux qu'il aurait séduit l'épouse du président. C'est donc une dictature. Une dictature qui n'est ni pire ni meilleure que dans beaucoup d'autres pays africains. On y torture, mais on y tue beaucoup moins qu'ailleurs. Ah. Ajoutons qu'à l'instar du Congo-Brazzaville ou de la Somalie, Kérékou opte pour le socialisme scientifique et introduit par là même une belle pagaille dans son petit pays. Est-ce qu'il choisit aussi le camp socialiste ? Bien entendu. Et à Paris, on n'apprécie pas beaucoup. Mais il n'y a pas que Paris. Dans de nombreuses capitales africaines, les dirigeants s'inquiètent. Toujours la peur de la contagion. Toujours, oui. N'oubliez pas que c'est la guerre froide et que la Chine et l'URSS ne cessent de gagner des points en Afrique. En outre, Kérékou s'est mis en tête d'aider le Front Polisario. Il y a la rébellion sahraoui. Et ça ne plaît pas du tout au roi Hassan II. Si je comprends bien, c'est une sorte de coalition qui va se former contre le Bénin. Incontestablement. Le cerveau se trouve bien sûr à Paris, à l'Élysée précisément. Focard, en principe, ne s'occupe plus des affaires africaines. En principe, ça veut dire qu'il continue à garder un œil sur le continent. C'est forcé. L'ancien conseiller de De Gaulle et de Pompidou a tissé des liens personnels avec beaucoup de dirigeants africains. En outre, il fait des affaires en Afrique. Donc, il demeure influent. Et puis, c'est un homme à lui qui est en charge de ce secteur à l'Élysée, René Journiac. Alors, c'est Journiac le cerveau ? Probablement. Mais le président Giscard d'Estaing ne pouvait pas être tenu dans l'ignorance. Mais vous savez comment ça se passe. Ce genre d'affaires, on ne délivre pas de consignes écrites. On se contente de donner un feu orange du bout des lèvres. Pour ne pas se mouiller, quoi. Et on surveille à distance. Alors, peu à peu, le scénario se met en place. Il faut d'abord trouver des opposants béninois pour remplacer Kérékou. Un homme fort fait l'affaire, un certain Gratien Pognon, qui a été ambassadeur en Belgique. Il a créé un mouvement fantomatique, le Front de Libération du Dahomey. Mais il agit vraisemblablement pour le compte d'un autre homme. Qui ? Un ancien président, Émile Zinzou. Le Maroc est bien entendu partie prenante du complot. Hassan II met à la disposition des futurs mercenaires un camp militaire où ils pourront s'entraîner. Et comme il faut une base de départ qui ne soit pas trop éloignée du Bénin, on choisit le Gabon. Là-bas, nos services étaient chez eux. On a parlé déjà, le clan des Gabonais, c'est ça ? Oui. L'ambassadeur Delaunay est un ancien des services, tout comme Robert, le chef de la sécurité de la compagnie Elf, qui fait la pluie et le beau temps au Gabon. Il faudra encore citer De Bizet, le patron du SAC, qui occupe une fonction officielle à la présidence de la République gabonaise. Et puis, il y a Bob Denard, bien sûr. Mais attendez, lui, que fait-il au Gabon ? En 1976, le président Bongo en fait son conseiller technique. À coup sûr, une couverture pour permettre à Denard de préparer son affaire contre le Bénin. Mais je dois à l'honnêteté de reconnaître que le président Bongo a toujours nié avoir été mêlé à l'opération Crevette. Écoutez, il ne pouvait pas en être autrement, non ? Enfin, j'imagine que la France non plus ne s'est reconnue aucune responsabilité. C'est évident. Et l'argent ? Il ne manque pas, des centaines de milliers de dollars. D'accord, mais enfin, qui paie ? Là, ce n'est pas très facile de le savoir, mais à mon avis... Chacun a dû verser son obol. Il n'est même pas exclu que Elf n'ait pas participé au financement de l'opération. Elf qui a été créé par De Gaulle d'abord pour préserver nos intérêts économiques en Afrique. Il ne faut pas l'oublier quand même. Restent les mercenaires. Bob Denard a d'abord son noyau de fidèles, des hommes qui ont combattu avec lui au Congo, au Biafra ou à Cabinda. Mais ça ne suffit pas. Alors Denard passe des annonces dans la presse française. Recherchons mercenaires ? Non, quand même pas, non. L'annonce mentionne simplement qu'une société d'outre-mer recherche des agents de sécurité. C'est quand même plus discret. Et les candidats ne manquent pas. Il paraît que plus de 4000 personnes répondent à l'annonce. Il faut donc procéder à une sévère sélection. Et Denard, pour cette opération, a besoin de combien d'hommes ? Il a prévu de recruter une centaine d'hommes, en majorité des Européens, plus une poignée d'Africains. C'est peu, non ? Denard considère que ça suffit. Ces mercenaires seront puissamment armés et, en cas de résistance, ne devraient faire qu'une bouchée de la petite armée béninoise. En outre, débarquant en pleine nuit, ils bénéficieront de l'effet de surprise. Et tout se passe comme prévu ? Après le recrutement, les mercenaires, qui vont tous être grassement payés, rejoignent par petits groupes le Maroc où ils vont subir un entraînement militaire. Et savent-ils quelle va être leur mission ? Non, on le leur dira au dernier moment, dans l'avion qui les emportera vers le Bénin. Il s'agit d'éviter une éventuelle fuite ? Naturellement. Et l'opération elle-même, alors, comment a-t-elle été préparée sur le terrain ? Denard a envoyé l'un de ses hommes au Bénin. Et sous couvert de faire du tourisme, l'homme a recueilli des informations et repéré les lieux. Le chef des mercenaires a donc pu mettre au point un plan très précis. Avec quels objectifs ? Très classique. Il faut à la fois s'emparer du palais présidentiel, neutraliser Kérékou. Neutraliser, c'est-à-dire Se débarrasser de lui. Ah bon ? Et en même temps, on conquiert la plupart des ministères et l'immeuble de la radio, bien sûr. Donc après tout ça, Denard va maintenant pouvoir agir. Oui. À la mi-janvier 1977, les mercenaires arrivent en avion sur l'aérodrome de Franceville, au Gabon. Un autre appareil, un DC-7, les attend. On commence à charger le matériel, des caisses. Et il y a même une cantine dans laquelle les mercenaires qui se sont dépouillés de tout ce qui permettait de les identifier ont remisé leurs affaires personnelles. On y a aussi glissé des documents sur la préparation de l'opération elle-même. Et cette cantine va être du voyage, si je puis dire ? Oui, aussi étrange que cela puisse apparaître, Denard dira plus tard qu'il ne voulait rien laisser derrière lui. Mais en cas de pépin, alors les Béninois peuvent s'emparer de cette cantine ? Mais ils n'ont même pas besoin de le faire. Au cours de leur déroute, les hommes de Denard oublieront cette cantine sur le tarmac de l'aérodrome de Cotonou. Ça semble quand même complètement fou. Mais c'est pourtant la vérité, enfin une partie de la vérité. Attendez, là, pourquoi ? Vous pensez que cette cantine-là n'a pas été oubliée par hasard ? Enfin, n'allons pas trop vite, hein. Mais j'essaierai quand même de répondre plus tard à votre question. Ouais, j'y compte bien en effet, parce que moi, j'arrive pas à comprendre cette histoire. Voilà. Revenons quand même au déroulement des événements. Les mercenaires embarquent donc dans ce DC-7. Oui, mais il y a un pépin et le décollage va être retardé. Et ça pèsera sans doute très lourd dans cette affaire. Like a smooth France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Pierre Péan est sans doute l'enquêteur qui a le mieux décortiqué le système des réseaux Focard. Dans son livre « L'homme de l'ombre », il affirme que c'est lui, Jacques Focard, qui a mis en place au sein de la société ELF un véritable réseau de renseignements susceptible de concurrencer les services spéciaux. Son chef est le colonel Robert, un ancien du SDEC, et Péan écrit « Robert, qui est au centre de cette nouvelle toile d'araignée, travaille à partir de mars 1975 avec une vieille connaissance, l'ambassadeur Maurice Delaunay. Le président gabonais, qui redoutait beaucoup le départ de son protecteur de l'Élysée, il veut parler de Focard, a fait des pieds et des mains pour que son ambassadeur revienne. Robert complète son réseau en créant d'abord au Gabon puis en France des sociétés de gardiennage qui constitueront en quelque sorte son propre service action. Au Gabon, avec l'aide de Pierre de Bizet et Bob Denard, il porte sur les fonds baptismaux la Société Gabonaise de Services, SGS. Cette officine devient rapidement un repère de gros bras dont personne ne connaît exactement les curriculum vitae. À Port-Gentil, la SGS assure la surveillance des bâtiments d'Elf Gabon et en pratique celle des principaux centres économiques de la capitale. La SGS devient le symbole d'une convergence d'intérêts où on retrouve au coude à coude le SAC, un directeur d'ELF, un mercenaire qui travaille occasionnellement pour le SDEC, Bongo et sa cour. Le livre de Péan a été publié en 1991 chez Fayard. Ce pépin, là, au dernier moment, hein, expliquez-moi. Au moment de décoller, le pilote s'aperçoit qu'il y a une fuite d'huile sur un des moteurs. Donc impossible de partir, il faut réparer. Et ça va prendre au moins 2 bonnes heures. En fait, ça durera presque 4 heures. Alors l'opération est remise au lendemain, hein? Non, pas du tout. Denard ne veut pas. Et pourtant, il sait que ce retard va avoir pour conséquence de l'empêcher de bénéficier de la surprise d'un débarquement de nuit. Ah oui, il prend des risques. Et chez un homme de guerre aussi expérimenté, c'est bizarre. Peut-être que les Gabonais ne tiennent pas à ce que cette centaine de mercenaires ne s'attarde trop longtemps chez eux, non? C'est en effet possible. Et alors, à quelle heure le DC-7 décolle? Vers 3 heures du matin. Et il lui faut traverser tout le golfe de Guinée avant d'atteindre Cotonou. Mmh. Avec un avion turbopropulseur comme le DC-7, il y en a au moins pour 3h30 ou 4h, hein, en volant au ras des flots pour échapper au radar. Ça veut dire que les mercenaires vont arriver au petit matin. Oui, oui. Mmh. Vous savez que le jour se lève très tôt en Afrique. Mmh. Et comment ça se passe alors? C'est un dimanche. Aucun avion n'est attendu ce matin-là sur l'aéroport international de Cotonou. À 7h, le DC-7 atterrit sur la piste, braque très vite à droite et se présente devant le bâtiment principal. Aussitôt, les mercenaires descendent de l'appareil grâce à des perches métalliques et se précipitent dans l'aéroport, dont ils prennent le contrôle très facilement. Ça commence plutôt bien. Oui, et pourtant, les mercenaires auraient dû avoir la puce à l'oreille en survolant Cotonou. Dans le cockpit, on a assisté à un curieux spectacle. Tous les bateaux amarrés dans le port ont tous pris la mer les uns après les autres. C'est comme si on voulait éviter que les assaillants s'en emparent pour éventuellement fuir en cas d'échec. Ça y ressemble, non? Ça signifierait que les Béninois s'attendaient à être attaqués. C'est ma conviction. Il y avait donc une fuite. Ou une manipulation. Et notez-le bien, l'attitude de Denard lui-même est très curieuse. Pendant que ces hommes qui ont réquisitionné le personnel de l'aéroport déchargent leur matériel, il prend soin de placer une Jeep devant le nez du DC-7. Pour l'empêcher de redécoller, là. Même pourquoi? Enfin, il n'a pas confiance dans les pilotes? C'est probable. Et là, les pilotes, là, l'équipage... Un Américain et un Suédois. Des mercenaires, eux aussi, quoi. Je n'en sais rien, mais on peut aussi se dire que Denard veut être certain de pouvoir repartir et donc de retrouver le DC-7. Oui, comme s'il s'attendait à un échec. Et pourquoi pas? Je vous trouve bien mystérieux. Hein. Ce n'est pas moi qui suis mystérieux, c'est cette affaire, du début jusqu'à la fin. Mais poursuivons. Les mercenaires ont donc déballé leur armement et ils se répartissent en 3 colonnes. La première et la seconde vont se diriger vers le palais présidentiel et la radio. Ils vont être accompagnés par le commanditaire béninois du coup d'État, ce Gratien Pognon, qui a préparé un discours à prononcer sur les ondes. Et la troisième colonne? Elle doit s'attaquer à un camp militaire qui abrite un stock d'explosifs et de munitions. Très vite, ces 3 colonnes doivent affronter une surprenante résistance. Bah, encore une fois, les Béninois les attendent. Oui, il y a parmi eux des instructeurs nord-coréens et les gardes du corps du vice-président nord-coréen qui est alors en visite officielle à Cotonou. On assiste donc à des combats de rue où les mercenaires, pourtant puissamment armés de lance-roquettes et de mortiers, ne parviennent pas à prendre l'avantage. Autre échec, le palais présidentiel de Mathieu Kérékou est inutilement bombardé. Le président ne s'y trouve pas. Encore un indice prouvant que les Béninois connaissaient les plans des mercenaires. Ou le fait que le coup avait été mal préparé. Il était de notoriété publique que le président préférait résider dans sa propre demeure plutôt qu'au palais. En tout cas, le résultat, c'est qu'au bout de 3 heures à peine de combat, Denard se rend compte qu'il est vain de continuer à se battre et il sonne la retraite. Les mercenaires rebroussent chemin donc vers l'aéroport, oui, c'est ça? Oui, et ils emportent leurs blessés et leurs morts. Nombreux? Non, quelques-uns seulement. Et du côté béninois? 5 ou 6 morts, me semble-t-il. Les hommes de Denard rembarquent donc dans le DC-7 sous les tirs de l'armée béninoise et ils retournent d'où ils sont venus, c'est-à-dire au Gabon. Et ensuite, après avoir reçu leur solde, ils regagneront leur pays respectif. Oui, mais ils ont, parce qu'on avait dit, ils ont oublié cette fameuse cantine sur le tarmac de Cotonou. Oui, et plus tard, Denard affirmera que cette cantine a été débarquée par erreur au sol avec les caisses de munitions. En fait, elle aurait dû rester à l'intérieur de l'appareil. Autre oubli, un mercenaire africain qui était en faction sur le toit de l'aéroport. Ce brave homme s'était paisiblement endormi. Et dans la panique, ses camarades n'ont pas pensé à le récupérer. Beau fiasco. En effet, car cet homme capturé vivant se montrera très bavard. Ouais, enfin, il y a quand même surtout ces documents qui se trouvent dans la cantine. Exactement, là. Des documents qui ne sont même pas codés. Et les enquêteurs béninois, puis ceux de l'ONU, pourront reconstituer une grande partie de l'affaire et identifier la plupart des mercenaires. Il en sera de même pour les policiers français qui seront saisis de l'affaire. Saisis par qui? Les familles des victimes béninoises tuées au cours de ce coup de force. La justice française instruira donc l'affaire et en prenant tout son temps. Et ce n'est qu'en 1993, vous en souvenez peut-être, que Denard comparaîtra devant une chambre correctionnelle et sera condamné à une peine de principe. Du sursis, hein, c'est ça. Et 16 ans après les faits, une sorte de record. Ça veut dire que quels que soient les gouvernements qui passent, il est des secrets qu'il vaut mieux taire. Ouais. Alors, justement, que fallait-il dissimuler? Bien d'abord, relevons une nouvelle fois les éléments les plus étranges de cette affaire. Inutile de revenir sur l'oubli malencontreux de la cantine sur le tarmac de l'aéroport de Cotonou, mais examinons de plus près son contenu. Ah, c'est-à-dire ces documents qu'on n'a même pas pris la peine de coder. Oui, et il y a aussi une serviette frappée aux initiales de Bongo, ABB, Albert Bernard Bongo. D'autre part, dans les documents, Bongo est clairement incriminé. À dessein? On ne peut pas éviter de se poser la question. Et si on rapproche ça du fait que les Béninois attendaient manifestement les mercenaires, c'est encore plus troublant. Je veux bien, mais quelle conclusion pouvez-vous en tirer alors? Il n'y a que 2 hypothèses. La première a été émise par Bongo lui-même qui a affirmé que cette affaire avait été ourdie par les Béninois de façon à le discréditer. Ouais. Le président gabonais a d'ailleurs prétendu que cette histoire de cantine avait été montée de toutes pièces par les services de Mathieu Kérékou. Peut-être, enfin, cette cantine a quand même existé. Et Bob Denard lui-même n'a jamais nié son existence ni la réalité de son contenu. Alors, la deuxième hypothèse. Les vrais commanditaires de l'opération Crevette avaient vraiment prévu de se débarrasser de Kérékou. Les vrais commanditaires, la France, les services spéciaux. Oui, mais ils avaient garanti leurs arrières. En cas d'échec, tout était prévu pour que Bongo soit montré du doigt et assume la responsabilité de l'opération. Pour dégager la responsabilité de la France. C'est possible. Mais quand même, Bongo, un des meilleurs amis de la France. Ben justement, ça permettait aussi de le tenir d'un peu plus près. Le tenir, oui. Bon, et Denard, lui, il aurait été au courant? Écoutez, franchement, je n'en sais rien. Mais le chef mercenaire n'avait rien à refuser au service secret dont il était un collaborateur régulier. Ouais. Mais dans votre deuxième hypothèse, comment expliquez-vous que les Béninois aient été prévenus? Une trahison. Trop de gens étaient au parfum, comme on disait dans les années 60. En tout cas, après cet échec retentissant, Denard devait rapidement changer d'air et tenter un nouveau coup pour redorer son blason. Ce sera aux Comores, où il avait déjà sévi en 1975. Je vous propose donc d'en parler lors de notre prochaine rencontre. La justice française n'a en effet montré aucun empressement dans l'affaire béninoise. Ainsi, voici ce que je lis dans un chapitre des dossiers secrets de l'Afrique contemporaine édité par Jeune Afrique. Le 23 juin 1981, le juge d'instruction délivre un mandat d'arrêt contre Bob Denard. Lancé sur l'ensemble du territoire français, ce mandat ne sera curieusement jamais exécuté. Le 25 août 1986, la justice française rend d'ailleurs une ordonnance de non-lieu, la preuve n'étant pas faite que Bob Denard ait eu personnellement une intention de tuer ou qu'il ait donné des instructions en ce sens. 2 jours plus tard, les avocats du Bénin font appel de cette décision. L'affaire est examinée par la 4e chambre d'accusation de la cour d'appel le 24 septembre 1987. Le ministère public demande une confirmation pure et simple de l'ordonnance de non-lieu, utilisant pas moins de 16 articles du code de procédure pénale. Sans vraiment y croire, maîtres Nordman et Dossou, quant à eux, en ont réclamé l'annulation. Ils demandent la mise en accusation de Denard devant la cour d'assises de Paris pour complicité par instruction, aide, assistance et fourniture de moyens d'homicide volontaire et association de malfaiteurs. C'est la surprise lorsque la chambre d'accusation rend, le 12 novembre 1987, son verdict. Les juges ordonnent l'inculpation de Denard et de son compagnon. Pour la première fois, un pays européen reconnaît non seulement la culpabilité de ses propres ressortissants dans un coup de force organisé contre un pays africain, mais les inculpe. Cet article a été signé par Francis Kpatindé. Enfin, je ne peux pas ne pas citer ces quelques lignes extraites d'un livre signé par Bob Denard lui-même, sous le titre « Le corsaire de la République ». Il part des jours qui ont suivi la piteuse opération Crevette et il écrit. Des rumeurs commencent alors à courir sur mon compte. Selon certains, Kérékou lui-même m'a fait manipuler par ses services secrets dans le but de renforcer son pouvoir. D'autres me soupçonnent d'avoir trahi mes commanditaires. Je décide de me taire, de ne pas entrer dans la polémique et reviens en France. Après avoir fait le tour de la situation avec mes commanditaires, je conseille à mes fidèles de se mettre en sommeil. Denard n'en dit pas plus. C'est dommage. À samedi prochain, nous le retrouverons. Denard, Comore, où le mercenaire va prendre sa revanche. Et je vous rappelle notre site franceinter.com, un site qui vous permet de réécouter cette émission ou de télécharger les émissions plus anciennes.